C'est ça. Bongo. Soyez mes imitateurs. Moi, je n'ai pas craint les crocodiles. Et c'est le cas que je veux craindre. Vous poussez un cri de désarroi. Monsieur, madame, soyez sérieux. Pourquoi ce grand fil? Parce que le président a fait le salon. Il a battu les ailes. Ne criez pas. Il a peur de vous. Quand il vole là, il vous fuit. C'est dans son agitation qu'il ne sait pas où se poser. Et peut-être pour avoir un peu la consolation, il vient se poser sur tes épaules pour que toi, l'homme, tu les sécurises. Mais montre-toi, maître. Tu as la maîtrise. La créature recourt à toi. Qui est haut placé par rapport à elle. Mais regarde comment tu t'agites pour la refouler et tu ne veux pas la secourir. Mais dans tes besoins, toi, tu veux que Dieu suprême te secoue. Est-ce que tu es Dieu qui est au-dessus de toi doit te secourir dans tes peines, dans tes afflictions. Mais quand la créature qui est placée sous toi vient trouver refuge chez toi, tu la repousses avec haine. Quand la mère opossum s'est rendue chez William Branham, elle avait besoin de l'aide. Amen. Elle était blessée, amen. Elle voulait que l'homme, amen, songe à elle, amen, lui apporte un peu de sécurité. Amen. Et Branham a compris, amen, et il a réagi, amen, pour soulager une créature de Dieu, amen, placée sous son autorité. Amen. Faisons de même, s'il vous plaît. Amen. Ne prenez pas tout pour danger. Toutes les soeurs aussi. Vous venez apporter du secours au cancre là. Quand il se sent en danger, qu'il se réfugie chez nous. Toi l'homme, Dieu a fait de toi l'autorité. Il faut pas tuer pour tuer. Tu vois en désordre, quand Gréla Salioni, il t'a fait quoi? Allez même pas de l'eau dans la cuisine. Mais à Monique, Nicolas y a yé, Nicolas y a beaucoup, toi l'homme tu es là. Si lui, la souris est plus forte que le cancre là, il fouille la souris, il vient se réveiller chez toi, et toi aussi tu viens le tuer. Cancrelo ne veut pas dire coup de balai, tuer. Laissez-les tranquilles. Gérer tous les animaux et dans l'éternité, nous les gérerons encore. Mais avait la vie éternelle maintenant. Comment êtes-vous incapable de gérer les petites bêtes domestiques qu'il y a à la maison là? Non, n'exerçons pas l'autorité de destruction. sachant comment gérer les créatures de Dieu. D'accord? Je vous ai expliqué il n'y a pas longtemps que les geckos servent à l'équilibre de l'écosystème. Mais si vous dans votre maison, vous tuez tous les geckos. Quand les petites fourmis ailées vont venir envahir votre maison, qui va les éliminer? Parce que c'est la nourriture de geckos. Alors laisse aussi les geckos, il viendra faire son travail lorsque les petites fourmis ailées viendront s'attrouper autour des lumières. Que Dieu nous aide. Hein? Même Dieu, quand il a envoyé Israël dans la terre de promesse là, il a dit, vous n'allez pas éliminer toutes les bêtes sauvages. Vous n'étudiez pas tout hein, de manière sauvage et tout. Hein, parce que des espèces plus féroces vont se développer. Donc soyez les bons gestionnaires. Ayez de l'équilibre dans votre manière de faire. Qui dit amen. Ah. Soyons quand même fait tout salé l'ango. Soyons équilibrés. C'est bon. Malade. Il était le Dieu de la terre. Il était le Dieu de l'univers partout. Mais son fils avait fait de faire sous sa propre autorité. Il pouvait renoncer la parole et il pouvait donner des noms. Il pouvait déclarer des choses. Il pouvait arrêter la nature. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais quand il a péché, quand il a fait cela, il a perdu son héritage. Maintenant la parole essaye de nous ramener au bon sens spirituel, au sens de responsabilité spirituelle, pour que nous soyons des bons gestionnaires de ce qui est placé sous notre autorité. Est-ce qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu peut le faire? Bien gérer ce qui est sous notre autorité? Gloire à Dieu. Mais il y a moi, Dieu est le propriétaire de tout l'univers. Il est Dieu de tout l'univers. Dans le sermon, la présence du Seigneur Jésus, prêché le 12 juin 1955, par la 24e partie, Frère Bonhomme dit, voyez-vous, je vous assure, notre Seigneur est Dieu. Amen. C'est tout. Il est le Dieu des cieux. Il est le Dieu de la terre. Pas seulement des cieux, mais aussi de la terre. Mais quand il a fait de l'homme le Dieu de la terre, c'est Dieu de minuscule, un Dieu amateur. C'est pas le Dieu suprême de la terre. Il a fait de l'homme un Dieu de la terre. Mais lui, Dieu demeure le Dieu du ciel et de la terre. Il guérit les malades, il guérit les malades, il ressuscite les morts et il fait tout bien. Aimons-nous ça? Dans Matthieu chapitre 11, la parole nous a dit ceci, c'est le Seigneur Jésus qui s'est écrié comme cela. Au verset 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il est Seigneur dans le ciel et sur la terre. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Est-ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents? Est-ce que tu les as révélées aux enfants? Et l'apôtre Paul est venu utiliser un langage similaire dans Actes des Apôtres au chapitre 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre. Amen. N'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Nzambe oyo asalaki mokili. Tabile kanyo sokati na yango. Ye wana azali nkolo na likolo mpe na nse. Mpe akovandaka na bisambelo bisalami na maboko na batoti. Voyez-vous que notre Seigneur, il est Dieu partout. Voyez-vous que notre Seigneur, il est Dieu partout. Et il est Seigneur partout. Azali nkolo bipay binse. Même sur la terre qu'il a donné au fils. Atapu na mabela wa sinide kapasa na bapoti. Il ne s'est pas dépossédé. Il est mbola kite kete. Il est sur le rendez-vous. Vote na si une créature vient se plaindre contre une autre, Dieu a toujours le pouvoir pour départager. Sachons-le et reconnaissons-le. Dans les sermons, Élie et l'offrande de farine. Prêchez le 10 mars 1960. Paragraphe 55. Première partie. Dieu testa les enfants hébreux pour voir quelle sorte de réaction ils auraient. Ils avaient confessé parmi les païens qu'il y avait un Dieu vivant. Et qu'il y avait un Dieu Jéhovah. Et qu'il était, les enfants hébreux là, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Le témoignage parmi les païens était celui-ci. Le témoignage de l'existence d'un Dieu Jéhovah. Et que ce Dieu-là était le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Et qu'il tenait tout âme dans sa main. Et alors Dieu les laissa être testés pour voir s'ils auraient confiance totale en lui. S'ils auraient recours à lui dans leur détresse. L'ont-il fait? Leur foi était inébranlable. Voilà pourquoi je vous dis, combattez pour le juste cause. Combattons pour que la vérité triomphe. Quelle que soit la qualité de preuve qui surgira, quand que Dieu sera de votre côté, sera reconnu plus que vainqueur. Que Dieu bénisse ta foi. Équipé pour la bataille, et la délivrance appartient à l'Éternel des armées. Soutenez la vérité frère. Défendez la parole et non pas vos sentiments. Défendez la parole et non pas vos intérêts. Et Dieu vous honorera. Dieu t'honorera. Dieu qui est ton Dieu t'honorera. Soyons sûrs de Dieu. Soyons certains de Dieu. Oh, dans le sermon le nom blasphématoire, il avait été dit ceci. Prêché le 4 novembre 1962. Deuxième partie. Mais Dieu, spécialement sur Adam, souffla le souffle de la vie éternelle à une personne éternelle avec Dieu. Et Adam, il avait la puissance comme Dieu. C'était un Dieu amateur. Il était le Dieu de la terre, mais Dieu minuscule. Écoutez, il était le Dieu de la terre par le Dieu du ciel. Maintenant, mais il était le Dieu de la terre. Est-ce vous là? Alors, si notre pensée de méditation, nous n'irons pas au ciel de Branham, non, mais nous irons au ciel de Dieu. Voilà. Comprenez que même le premier Adam n'était pas le Dieu du ciel. Et il n'avait pas de ciel à nous offrir. Les humains qui sont sur la terre sont les descendants d'Adam. De manière générale, on va entrer dans les particularités de la semence du serpent. Mais même si nous considérons que celui-là avait un héritage à léguer à ses descendants, dans l'héritage qu'Adam devait léguer à ses descendants, il n'y avait pas le ciel. Alors, William Branham, en tant que descendant d'Adam, où trouverait-il le ciel à nous donner et où nous amener? L'héritage personnel, il n'en aura pas pour nous le donner dans l'éternité. Les cieux sont les cieux de l'éternel. Pour la terre, il nous donne la gestion. Mais il garde le titre de propriété originale. Les gestionnaires qui sont ici sont temporaires et pas. Nous savons que c'est la vérité biblique. Alors, n'espérez pas aller dans un ciel de Branham. Un seul ciel n'existe pas. Il n'existera pas non plus. Qui dit amen? Mais d'où est venue cette interprétation fausse? Nous rivons ces clous. C'est venu d'une prophétie qui avait été donnée au temps de frère Branham. Non pas d'un verset biblique, mais d'une prophétie. Et je voudrais lire cette prophétie dans les sermons, mais il n'en était pas ici au commencement. Du 11 avril 1961. Paragraphe 68. Ah, septembre. Suivez bien le reste. Comment les choses se sont passées et où est-ce que cela s'était passé? L'autre jour, au petit déjeuner des hommes d'affaires chrétiens, à Los Angeles, je prêchais au petit déjeuner, et cela a été diffusé à travers toute la nation. J'ai démolissé tout simplement la chose de toutes mes forces. Je ne peux rien faire d'autre. Sinon, je serai un hypocrite. Je crois que nous sommes au temps de la fin. Et lorsque je fais cela, Marilyn Monroe, son cousin qui était un baptiste, s'est avancé pour me serrer la main. Et lorsqu'il m'a serré la main, il a parlé à l'âme. Une dame qui venait de la Louisiane, qui était assise là, et une Française, s'est levée et a dit, ce n'est pas une langue inconnue. Je suis française et voici ce qu'il a dit. Donc, un homme qui appréciait tellement la prédication. Branham démolissait les dénominations et tous les systèmes. Il y a pour lui serrer la main. Il avait commencé par dire, les choses que vous venez de dire, vous pouvez facilement trouver leur place dans le livre de l'Apocalypse. C'est écrit très facilement dans l'Apocalypse. Après avoir dit ça, il commence à parler en langue que lui ne connaissait pas. Et il a parlé du français pur. Tant que lui n'ait connu la langue française depuis sa naissance. kasi yabani koloba na na français oyo bande botama na ya yebi na yete. Alors pour Frère Branham c'était comme une langue inconnue. Pendant que Branham le voit yebi le protocole. Mais il y a une dame française qui était assise là. Moi je suis un mot de français. Non, non, non. Alors pas une langue inconnue. Regardez mon nom pas yebi. Non, je suis français. Là il m'a pas entendu parler. J'ai entendu tout ce qu'il a dit. Mais regardez mon nom yebi. Et voici ce qu'il a dit. Voilà yebi yebi. La femme se met à répéter les paroles prononcées en français par celui qui ne connaissait pas la langue française. Moi, si Oyo a yébi le peuple français, abandi kokoma, makambu Oyo, moutou a yébi français, abandi na français. Et un homme s'est approché jusque-là. Moutou pe, abele ma tout le reste. Un jeune homme s'est levé, s'est avancé. Et c'est l'engue, m'obali moko pas, pele ma tout le reste. Il était l'interprète du français pour l'ONU. Zotande a yébi le peuple français pour na. Pour le Rassoussini. Il venait de rentrer dans la réunion. Et il a dit, voici ce qu'il a dit. Et c'est exactement la même chose. Les trois témoins non concertés. La dame française dit ce qu'elle a dit, elle rapporte. Celui-là, l'interprète des Nations Unies, dit la même chose. Moi, si Oyo a yébi, nous ne connaissons pas la France. A commis, nous ne connaissons pas la France. Et ce jeune homme, le cousin de Marine Mou, Dani Henri, ne connaissait aucun mot français. Et c'est cela écrit juste ici. On se trouve dans un document. Beaucoup d'entre vous ont lu le journal des hommes d'affaires. Exactement ce qu'il avait dit. Lorsqu'il qu'il me parlait. Et il a dit, ceci a été adressé à Frère Branham le 11 février 1961. Non, le 11 février. Ce n'est pas Mukolas. Sanzaminei. Le 11 février 1961. Au petit déjeuner des hommes d'affaires du plein évangile. Il prêchait là-bas. Où la chose a été donnée. Ça disait ceci. Parce que tu as choisi le sentier étroit. Le chemin le plus difficile. Et que tu y as marché de ton propre choix. Le Branham fait une pause avant de continuer à lire. Il dit, je peux comprendre cela. Moïse avait marché aussi de son propre choix. Il n'était pas obligé de le faire. Il aurait pu peut-être avoir des grandes réunions. Et des grandes affaires et des glorieux avec beaucoup de fleurs et d'autres choses. Mais ceci, c'est le chemin que j'ai choisi. Voyez-vous? Maintenant la suite de la prophétie. Tu y as marché de ton propre choix. Tu as pris la décision correcte et exacte. Et c'est mon chemin. À cause de cette décision capitale, une vaste portion du ciel t'attend. Ceci est adressé à qui? À William Branham. Non pas aux croyants de son message, mais à lui personnellement. Le 11 février 1961. C'est un message d'exhortation et d'encouragement du Saint-Esprit destiné à William Branham, et ça ne dit pas destiné à William Branham et aux croyants de son message. Et dans ce qui est dit pour l'encourager, dans son soi personnel, il dit c'est mon chemin. Et à cause de cette décision capitale, une vaste portion du ciel t'attend. Maintenant, quelqu'un va dire, mais une vaste portion. Mais il faut qu'à côté, ça dit son vaste portion pour occuper Yango. Ce n'est pas ce que disait la prophétie. Nous sommes allés et le c'est alors il dit, ça c'est dans une illusion de ce que vous obtiendrez. Il n'en savait rien en ce temps-là. Quelle glorieuse décision tu as prise. Maintenant voici ce que je ne comprends pas. Ça fait pour moi, Branham, je ne comprends pas. Cette chose en soi, ça fait partie de la suite de la prophétie. Cette chose en soi est ce qui produira et fera s'accomplir une éclatante victoire dans l'amour divin. Et ça, Branham est sincère, il dit ça, je ne comprends pas. Moi, je ne prétends pas aussi comprendre ça. Mais nous lisons et nous croyons ça. Il dit, avec trois différents interprètes. Les interprètes du français. Et l'interprète pour les Nations Unies. Dany Henry, ou c'était plutôt un cousin de Diane Roussel, je m'excuse. Je ne connaissais pas un seul mot, mais il était très sérieux. Il s'est avancé, il a dit, ces paroles que vous avez dites pourraient facilement être placées dans le livre d'Apocalypse. Il m'a entouré de ses bras. Il s'est mis à parler en français. Il n'en connaissait pas un seul mot. Mais il y avait trois témoins qui ont rendu témoignage de cela. L'interprète des Nations Unies. Nous sommes dans les derniers jours. C'est l'exacte vérité. Amen. Tenez-vous loin de cette religion hybride. Entrez dans la véritable Pentecôte authentique. Voyez quand des prophéties rares mais vraies ont été données. Voyez avec quel soin les critères bibliques sont respectés. Quand l'homme a donné la prophétie, ça paraissait en langue inconnue. Il avait besoin de la traduction par celui qui aurait les dons d'interprétation. Mais ici, ce n'était pas le cas. Parce qu'il y avait des personnes qui connaissaient la langue parlée là. On n'a pas eu besoin de quelqu'un qui ait le don d'interprétation de langue pour expliquer ce qui a été dit. Ça, c'est la perfection de l'œuvre de Dieu. On va nous bourrer de toutes sortes de langues inconnues dont nous ne connaissons même pas la traduction. Et que plusieurs ont prophétisé, plusieurs ont parlé en langue. Dans l'assemblée, quand on est réunis, il faut que ce soit intelligible. Et le Dieu de ce message a veillé à ça pour servir de leçon. Ce n'est pas que là où Frère Branham prêchait, il y avait toutes sortes de parler en langue tout le temps et à tout moment. Il y avait des choses que le Saint-Esprit opérait. Mais qui étaient authentiques. Elles ne sont pas les gens, mais elles étaient authentiques. C'est ce que nous aimons dans notre marche. Les authentiques et vrais. Même si elles pourraient être rares, mais nous sommes les véritables choses de Dieu. Pas de cette religion hybride qui mélange tout. Et puis après, on dit Dieu agit beaucoup. Comme chez les pentecôtistes qui sont tombés. Priez la religion hybride. Prenez les choses authentiques. Sommes-nous d'accord? Donc, ce petit message est concis. Dans les douleurs de l'enfantement. Et chez le 24 janvier 1965, Abraham ira bien au paragraphe 6e. Je voudrais lire cette note. C'est la note originale de l'un d'eux. Celle de cet homme qui avait interprété. Ce n'était pas qu'il avait les dons d'interprétation de langue dont la Bible parle dans 1 Corinthiens 12, mais il a entendu la langue parler et il a retenu les choses qui étaient dites. Et trois témoins, comme dit la Bible, toutes choses sont établies sur les nations de deux ou de trois témoins. Trois témoins indépendants ont confirmé la même chose. C'est un vrai français. Voici le message. Parce que tu as choisi le sentier étroit. Un chemin plus difficile. Tu y as marché de ton propre choix. Tu as pris la décision correcte et exacte. Et c'est mon chemin. À cause de cette décision capitale, une importante portion du ciel attend. Quelle décision glorieuse tu as prise. Cette chose en soi et ce qui produira et fera s'accomplir l'extraordinaire victoire dans l'amour divin. Dans l'amour divin, la phrase terminale, Branham ne la comprend pas. Moi, je ne prétends pas la comprendre. Mais maintenant, qui a prétendu comprendre la phrase qui dit « Une importante portion du ciel t'attend » C'est une doctrine répandue dans le milieu du message. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Et les cieux des cieux appartiennent à Dieu. Mais c'est le même Dieu qui a promis dans les psaumes 115 de nous multiplier ses faveurs. Nous, son peuple, nous le croyons. Et s'adressant à William Branham, il dit qu'une importante portion du ciel t'attend. Moi, j'ai dit Amen, et c'est vrai, tel que l'Esprit l'a dit, et que les critères bibliques sont confirmés, c'est valable pour William Branham. Mais bibliquement parlant, ça veut dire quoi? Ça voudra dire que les croyants du message iront dans le ciel de Branham? Vous voyez que bibliquement parlant, on ne peut pas défendre une telle hérésie. Ni avaler, ni dire amen à ça. S'il était arrivé de dire amen à une telle bêtise, vomis ça maintenant. Imaginez le milieu mabe et qu'on s'accueille au père Olobagi Amen, na poison. C'est ça le kuta et qu'on tigala le kuta. Pour qu'on kota l'ola ya brana mette, pour qu'on ait l'ola ya zambé. C'est clair pour tout le monde? Vous allez parler pour avance. Mais maintenant, avez-vous la force pour endurer encore un peu? Ça, c'est un peu plus grand. Je vous dis quelque chose qui peut vous aider à comprendre par le message le sens de cette phrase-là. Êtes-vous prêts? Si vous êtes fatigué, on va reporter. Parce que je veux que la citation là soit comprise. Ok, mon voyage vous pose sa interprétation particulière, c'est Yahye Moko. Attendi, Abani pour déformer, parce que il s'est dit pas de Yahye. Yo, Abani pour le bamène, le gros émotion. Alors, avec votre accord, je vais lire dans le sermon comment puis-je vaincre. Prêcher le 25 août 1963. Paragraphe 33 et 34. Il nous fait un commentaire sur l'écriture de l'Apocalypse 3 verset 21 que nous avons lu ici. Nous avons lu Apocalypse 3 verset 20 à 23. Mais les commentaires portent sur le verset 21. Au sujet du vainqueur de l'âge de l'Odyssée. Frère Branham est le messager de l'âge de l'Odyssée. Il doit y avoir plusieurs vainqueurs, c'est que Branham aussi est l'un de ces vainqueurs. Qu'est-ce qui est promis au vainqueur de l'Odyssée? La grande victoire, la victoire extraordinaire. On peut lire ici la promesse et le commentaire de cela. Maintenant, ouvrons dans l'Apocalypse chapitre 3. Dans les âges de l'Église, pour répéter un âge de l'Église. C'est l'âge de l'Odyssée dans lequel vous et moi et Branham nous vivons. Mais maintenant, nous sommes, je pourrais prendre le seul sujet. Avec l'aide du Saint-Esprit, prêcher là-dessus pendant 100 ans. Sans jamais faire ressortir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que dans ce seul sujet, comme dans tous les autres textes de la Bible, toutes les choses sont liées ensemble. Et mon sujet que j'aimerais aborder ce matin, c'est comment puis-je vaincre? Eh bien, j'ai choisi ceci parce que je pense que c'est un temps où nous ne devrions jamais laisser le réveil du Saint-Esprit s'éteindre. Nous devrions garder le réveil. Être constamment réveillé chaque jour. Pour la vie, il devait mourir chaque jour afin que Christ vive. Et nous ne devrions jamais laisser ce réveil s'éteindre en nous. Chaque frère et chaque soeur entend ceci. Ne laissez pas le réveil s'étouffer ni s'éteindre. Soyez ce véhicule du réveil. Soyez des porteurs du réveil chaque jour. Le message du temps de la fin est un puissant réveil. Un réveil qui ne vous permettra jamais de prendre la boisson alcoolique. Un réveil qui ne vous permettra jamais de convoiter une femme. Même si elle serait mal habillée. De façon provocante. Son réveil met un voile sur vos yeux. Vous empêche de vous suyer. Son réveil ne vous donne pas le droit de fumer une seule cigarette. Son réveil ne vous permet pas de mentir. Son réveil ne vous permet pas d'être désobéissant dans vos parents. Notre réveil est puissant. Et il est vital. Il fait de nous des hommes et des femmes de prière. Il mettons le royaume de Dieu au-dessus de nos intérêts privés. N'essayez pas ce réveil. Ne le laissez pas s'éteindre en vous. Vous avez le temps de veiller à ça. Quand Quand vous réveillez quand vous ne regarderez pas les matchs. Coupe du monde. Qatar 2022. Les fondateurs se sont manifestés devant les grandes télévisions sautillant. Devant les rois messieurs. Et d'autres ont pleuré avec Ronaldo. Ronaldo. Cristiano. Cristiano. Et yo kanakape. Cristiano. Cristiano. Ronaldo. Ronaldo. Messi. Messi a tombé le coupe. Et on voit des frères agités devant l'écran de télévision. Sautillant. Quelle bêtise. Amen. C'est ça votre réveil à vous. Wana on nimba kate, olala kate, orata kate. Tuga pula e katarine, omodiri snel. Si ya kwa mpo, mbala moko, snel moni. Notre réveil à nous, c'est parole. Amen. Amen. Oye, bisa mbala moutu mimo pachke, korona lino pachke. Oyo ki parole, oyo ki saye. Amen. Oyo ki parole, o telemi. Amen. Tango na rego wana. On dirait mon corps, on est yona yoka. Amen. On a volé la vérité. L'amour de la parole, bien placé. Amen. Le colonel qui vole, il y a des bambo et chemi malam. Ne laissez pas son réveil s'éteindre. Le vainqueur doit vaincre dans cet âge. Et Dieu a promis quelque chose au vainqueur. À présent, on prend liste 3, en commençant verset 21. Nous lisons. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu, et je suis assis avec mon père sur son trône. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Quel est le sort de celui qui vaincra? S'asseoir avec Jésus-Christ. Le trône de Jésus-Christ. Il s'assiera avec moi sur mon trône. De même que moi aussi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Akovanda elongo nangai na ngwende nangai mpula moko ngai pe na longa kipe na zali kovanda na tata nangai na ngwende na ye. Où se trouve le trône de Jésus-Christ? Ngwende na ye soki sozuami wapi? Échec. Bukwe sabi. Ozo tanga même verset biblique. Motune tunani ezongi. C'est lui qui vaincra. Oyo akolonga. Je le ferai asseoir avec moi. Sur mon trône à moi. Et même que moi aussi j'ai vaincu. Et je suis assis avec mon Père. Sur son trône à lui. Vous suivez la nuance? Le vainqueur sera assis avec Jésus sur son trône à lui. Mais lui, Jésus-Christ, avait vaincu et s'est assis avec son Père sur son trône à lui. Mon langue n'a été pour lui. Akuvanda elongo moko na Yesu na ngombe na ye kasi Yesu yelo kola longa kipe avandi na tata na ye na ngombe tata na ye. Le vainqueur de la Odyssée ne va pas aller s'asseoir sur le trône du Père. Akuvanda kuvanda na ngombe ya tata. Mais c'est Jésus-Christ seul. Voilà Yesu Christ seul. Quand lui a vaincu, il s'est assis avec son Père à lui sur son trône. Yavanda ki na tata na ye na ngombe ya tata. Mais le vainqueur de la Odyssée s'assiera avec Jésus-Christ sur son trône à lui Jésus-Christ. Vous direz, mais oh, mais il y a combien de trônes? Dans un royaume, il n'y a que seul trône. Dans un royaume, il n'y a que seul roi. Mais attention. Lui, il est le fils de David. Amen. Et en tant que fils de David, il est l'héritier du trône royal de la tribu de Judas. Amen. D'après ce que le Seigneur dit ici, Lui, quand il a vécu, il est allé s'asseoir d'abord sur le trône de son père. Et la Bible est claire. Il est assis à la majesté de Dieu. Là au ciel. Donc le trône sur lequel il est allé s'asseoir, ce n'est pas son propre trône. C'est le trône du Père Céleste. Mais lui doit prendre son propre trône. Et ça se fera au règne de 1000 ans. Quand il va occuper le trône royal de David. C'est toute une leçon d'enseignement. Hein? Je ne veux pas vous faire craquer. Je parle seulement. S'il vous plaît, retenez seulement une phrase qui est dite. Ça peut vous compliquer maintenant. Là. Ça peut vous compliquer. Mais retenez seulement la phrase. Un jour, les détails viendront. Maintenant, paragraphe 34. Avez-vous remarqué la disposition de cela? Voyez, s'asseoir avec moi sur mon trône. Non pas sur mon trône, mais dans mon trône. Encore une nuance. À celui qui vaincra, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Mise au point. La traduction qui dit sur mon trône comporte une petite tendance qui n'est pas la bonne. Ce n'est pas sur mon trône, mais je le ferai asseoir dans mon trône. La parole, elle est révélée. Vous voyez ma traduction ici de Scofield, le verset 21, c'est lui qui vaincra. Je suis asseoir avec moi sur mon trône. Moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon père sur son trône. La bonne traduction, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône. De même que moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur son trône. Précision. Précision. Lui a vaincu et s'est assis avec son père sur son trône. Maintenant, celui qui vaincra, il le fera asseoir dans son trône. Nuance. Précision. Dénominationnel à Obunga. Masalekimi. Ceux qui avaient fabriqué les ailes vont se bomber ici. Ah, bah, s'asseoir avec moi dans mon trône. Moi, pas sur mon trône. Mais dans mon trône. Il s'agit là de son domaine. Il s'agit là de son domaine. Voyez, et maintenant, comme Christ est le gouverneur, ça fait que l'on le Christ, ça fait le Kambi. Le gouverneur sur le trône en ce temps-ci, et tous les domaines de Dieu. L'église et aussi sera avec lui. L'épouse sera avec lui dans son trône. Voici la libale à posale et l'ombre et kati na mwene na ye. Dans tous les domaines. Kati bi na mabele nyonso. Dans tous les domaines. Bi pa ibi se bi se pa nyonso. Le trône du fils de David. Oye, et vali ten gwenda ya mwana na gwenda. Voyez. Mwene. Ce n'est pas sur mon trône, mais dans mon trône. Vous voyez, jusqu'où s'étend son domaine? Un trône est au-dessus d'un domaine. Et un domaine s'étend aussi loin que vont ses frontières. Et il s'étend d'éternité en éternité. pensez-y tout simplement. Pensez-y tout simplement. Voilà. Quelle matière. Maintenant, c'est au messager du 7e âge de l'église, l'âge de l'Odyssée, qu'une prophétie vient annoncer une vaste portion du ciel qui l'attend, lui. À cause de son choix personnel. Ne dis à quoi les comédiens qui en a colombé témoin et tenu mon nez à ma belle et à l'eau la et j'ai dit de causer là. Mieux, au talent la car, pour panao et mon coponaki. Messager. Minasango. Dans sa bataille, la foi personnelle, il a reçu l'assurance de la part de Dieu qu'une portion du ciel, une importante portion du ciel l'attend. Mais le vainqueur de la Odyssée s'assiera dans les domaines du Fils de Dieu. Le domaine du Fils de David. Il me dit que le Fils de David sera au-dessus. Mais les sujets de son royaume seront en dessous de lui. En étant en dessous de lui, il sera dans les domaines du fils de David. Êtes-vous là? Et maintenant, ils régneront, les membres de l'épouse régneront avec lui pendant 1000 ans. Lui au sommet du trône, eux dans les domaines du trône, et eux et lui régnant sur le reste de l'humanité pendant 1000 ans. Alors, le reste des humains regarderont l'épouse et le roi, la reine et le roi, l'épouse et le roi. Donc, c'est comme s'ils sont au ciel. Mais eux, les dominés, sont en bas du ciel. Et pourtant, l'épouse est en dessous du ciel où occupe l'époux. Amen. Donc, allez, moi, si je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, ça vous ramène à la pyramide. Ils ont mis la pyramide. Pendant 1000 ans, la nouvelle Jérusalem en forme de pyramide. Amen. Jérusalem en a six cœurs pour faire la pyramide. Jérusalem actuelle. Elle sera au ciel donc. Maintenant, dans ce ciel là où elle sera, Jésus l'époux est ici. Nous l'épouse qui seront revenus du festin de noces, nous serons ici. Mais tous les blocs ici seront au ciel. Maintenant le reste des nations, les ressortissants du Congo, la famille rwandaise, la famille tanzanienne, la famille zimbabwéenne, la famille américaine, la famille européenne, les ressortissants de là, seront sur la terre peuplée. Maintenant, l'épouse est ici. Au ciel avec l'époux. L'époux, c'est Jésus-Christ. L'épouse, c'est l'église des nations. Qui avait été enlevée. Maintenant, on va régner sur la terre. Pendant 1000 ans. Ceux qui sont sur la terre, nous verrons comme étant au ciel. Mais nous qui sommes ici, nous savons que nous sommes en dessous du roi. Les rois est placé sur le ciel qui est au-dessus de notre ciel. Mais les deux, le roi et la reine, règnent sur la terre pendant 1000 ans. Voilà la récompense qu'aura le vainqueur. Et comme vous le voyez, ce n'est pas exclusivement les vainqueurs de l'âge de la Odyssée qui iront dans ces domaines, mais c'est toutes les épouses. Donc, ce qui est promis au vainqueur d'Éphèse, et le vainqueur de Smyrne, le vainqueur de Pergame, de tous ces âges-là, à la fin, ce sont des victoires, ce seront des récompenses partagées par toutes les épouses de Christ. Moi, si na libala na elekona la obi kiakasi, moi si na libala ya bile konyo se sambo ya lingoba uta, Alors, avoir au-dessus ceux qui regardent l'autre verront tout ça comme étant le trône de Dieu. Ou le trône du fils de David. Toute la ville, en bloc. Et regardez d'ailleurs, en ce temps-là, la pierre de fête sera déjà posée sur les blocs ici. Voilà. Pour former un tout. Donc, les gens du monde regarderont le trône, ils voient un bloc là-bas au-dessus. Le trône littéral, c'est le petit sommet là au-dessus. Mais la partie qui lui est sous les coins ici, ça c'est le domaine du trône. Maintenant, l'église épouse, qui est constituée de vainqueurs, sont dans le domaine ici du trône. Au-dessus d'eux, il y a un trône qui exerce la domination, c'est Christ seul. Amen. Le roi. Il y a une importante portion ici dedans. Pas tous les domaines, mais une vaste portion. Peut-être que toi aussi tu auras une moyenne portion. Et quelqu'un d'autre vainqueur, une petite portion. Mais les portions dans les domaines. Amen. Ce n'est pas la portion qui est ici, Branham, que vous devez convoiter ou envier. Vous n'irez pas là-bas. Ce n'est pas écrit de votre nom, ça c'est Branham. Voilà. Toi aussi tu dois vaincre, toi aussi tu dois choisir, Amen. Tu dois combattre le bon combat, et comme Paul, vaincre. La bombe, moutou na moutou, attends-moi le pango, y'a mouké, moi ma belle na y'a mouké, y'a moutou, on s'en a dans le bagage. Côté attaque, y'a mouké na y'a Branham, roulou la yangote, on s'en a dans le poste, on s'en a dans le poste, ton milité, et ça que le bon repas, on le baguette, roubou le n'engue le bon anipé, on l'engue. N'amenez pas vos esprits africains de conflit de terre là-bas. Balobi, Porcio et Abraham, nous déjà on va dire qu'on canne. Vous allez nous voir. Si encore le temps de combattre pour te qualifier et que Dieu te promet qu'il y a toi, tu commences déjà le conflit ici. Yanga ni Abraham, ou comme il voulu là, on te regarde les kuna. Vous êtes mouillé. On est un esprit faux. Tu n'es pas sérieux. On s'en fait au yayo. Amen. Si qu'à Porcio et Abraham, hein, na mukolo nango ezaba shwa na ye nende pe abundeli nzambe ne pona konkuraje ye abumbeli wana ya yo nini na kati voyez nous les africains biso bat africain c'est beaucoup de nous qui aimons aller prêcher ces prédications sensationnelles na ko tema te o ça déjà faire crier les gens et pour nous parce que c'est ça l'onction to va ni cette idée mais on dit des mensonges et des mensonges nous allons écouter les colonnes on écoute tu veux que nous le prenne amené alléluia. Tu commences à m'en prophétiser. Si aujourd'hui, l'onction. Laquelle? C'est pas sérieux. Bon, on a dit, cette portion-là attend Branham. Toi, tu n'es pas Branham, tu ne te fais pas Branham, tu ne seras jamais Branham. Tu es un Congolais, tu es Congolais. Vous allez dire moi, Congo. Voilà. Chacun a sa place. Est-ce que nous comprenons? Mais ce n'est pas sérieux. Si la lola, bon gars, on va les tomber sous qu'on a. Bon, dans ma cocabola, bon, et j'ai un ami. Dieu avait dit, oh, il y a Branham. Si Branham a zoa, les tomba na yé, na kimia. Bunda peu, oh, y a yo. Amen. C'est bon là? Vous allez là? Nous nous mettons d'accord? Très bien. Nous voulons arrêter ces cafouillages ici. De ceux qui sont mal intentionnés. Ils veulent ramener la chute là-bas. Ils sont dans les colonnes, règne de paix et de justice. On a parlé de ce que vous connaissez. Allez, quand il y a des troubles, il y a des troubles. Mais quand il y a des troubles, il y a des troubles. Il y a des portions, il y a l'eau, il y a des Abraham. Mais qui vous a dit ça? Vous, non, on avait dit comme ça dans les banques. Depuis quand? Vous êtes en train de dire. Ma confie. Il y a des gens qui ont dit. Vous avez dit que les portions, l'eau là, vous pouvez les faire. C'est faux. Ne vous permettra jamais une telle chose. Déjà, il vous bloque par ses prédications. Il va te dire, je t'avais prévenu. C'est pas sous le ciel. Il y a d'autres portions. Occupe les séraphins. Il y a une portion qui occupe les chérubins. Il y a une portion qui occupe les anges. Mais une portion, Branham va avoir sa portion. Pendant que ça sera là-bas en visite. N'est-ce pas? Et quand on vient pour régner pendant 1000 ans, le sera suspendu. Mais quand l'éternité va démarrer. Savez-vous que ce bloc, cette ville-là, ne sera plus suspendue au ciel? Elle va venir fusionner avec la terre nouvelle. Maintenant, ce que Yom Tozo Bundela, Ndambu Yalol et Abraham, Bitumbanakomanina à ce moment-là, dans l'éternité. Parce qu'on dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, il sera leur Dieu. Mais sur la terre! Vous voulez dire que la disposition sera la même? Jésus au sommet, et puis nous, à l'intermédiaire, les autres rachetés sur le flanc de la terre. Les vierges folles qui pourront être récupérées là seront éparpillées sur la terre. Mais le ciel et la terre fusionneront. Le ciel et la terre d'à présent passeront, dit la Bible. Tout se tournera pour ne faire qu'un bloc. Donc il y aura plus un ciel au-dessus de nous et puis de nous. Ce sera fini. Dans l'éternité. Donc, laissons à chacun sa part d'héritage. Il y a des Africains, mais la guerre des successions, les partages d'héritage et tout. Même le passant au ciel, ça ne tiendra pas. Déjà, ce qu'on a dit, mentalité, on a un disqualifié, on va t'enlèvement. Là, il faut te dire la vérité en face, frère David, pas au gagné. Alors, si quelqu'un a des oreilles qui entendent ce que l'Esprit Dieu vous a dit. Avez-vous aimé la vérité? Puis-je dire que Dieu vous bénisse? Amen. Il y a Abraham n'a pas des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Pour ceux qui l'aiment. Voyez que Dieu nous accorde sa grâce. Il y a une note ici, on a mis forme de question. Une forme de question. Laissez-moi le temps de lire d'abord. Forme de question. Mais, oh là là. Juste pour l'information précise, pour ce que le prédicateur vient de nous parler, disant que le ciel et la terre appartiennent à Dieu, rien n'appartient à quelqu'un, mais alors parler brièvement de ce que l'ange du Seigneur disait à William Branham, tous qui t'ont aimé et ont une portion du ciel, non, est réservée pour eux, étant croyant du message tant de la fin. Non, une telle déclaration n'existe pas. Tous qui t'ont aimé et ont une portion du ciel est réservée pour eux et croyant des messages tendres. Non, ça c'est encore vraiment du levain. Ça c'est une histoire inventée. Si vraiment quelqu'un a dit qu'une telle citation existe, il a menti. Je mettrai au défi quiconque. Ça n'existe pas dans le message de mon prophète. Ça n'y est pas. C'est pour ceux qui t'ont aimé et qui ont une portion du ciel est réservée pour eux étant croyant du message sans de la fin. Faux et archi-faux. Nous devons dire ce que le message a dit et répéter fidèlement ce que l'ange a dit. Comme il a dit, demandé de dire, parler brièvement. Je vais le dire brièvement. Quand frère Branham était dans l'au-delà, en visite là, où l'ange l'a amené, au-delà du rideau du monde, là ce n'était pas des prophéties dans une assemblée, au déjeuner des hommes d'affaires du Père-Évangile, ce n'était pas une prophétie. L'ange lui a dit ceci: tout ce que tu as aimé et tout ce qui t'aime, je te les ai donnés et les voilà ici. Donc, rien à voir avec les portions du ciel et les portions. C'est juste pour dire que bien que Branham a été rejeté par les églises dans le monde, mais dans le royaume de Dieu, il est reconnu et il sera récompensé. Branham, babo kisaki na bati ya bamangomba awa na mabele kasi na mungu na zombe ye ye bani mpe azali na eteni na ye ou bati kisaki na ye sont convertis par le message qu'il a prêché, qui ont cru à Christ par ce message, ne seront pas errants ni perdus, mais ils seront reçus dans le royaume de Dieu. Quand ils meurent, il y a une place où ils seront accueillis. Ce qui va coucher azali na sika ou bako yambama. Voilà. Tout simplement ça. Donc rien à mélanger avec une fonction du ciel qui l'attend. Lui. Quand Dieu vous bénisse, de garder le message à sa place. Chaque citation a sa bonne place. Être comprise correctement. Jamais de travers. Quand Dieu vous bénisse, prenons-nous debout maintenant pour la prière. Par la grâce de Dieu. À travers lui. Et c'est Chacun en accord avec l'évangile qui vient d'être prêché. Quiconque s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe. Et que ce Dieu-là vivant est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Les récompenses ne lui manquent pas. Chacun de ceux qui se confient en lui il est riche en bonté et il est riche en solution. Il est riche en récompense. Il saura te rémunérer comme tu le mérites. Tu tiens le combat pour la parole, le combat pour la vérité, soutenir et défendre la vérité, et Dieu t'honorera. Prions chacun maintenant. L'espoir qui toujours soulage les cœurs fatigués, la fée du chemin, il est un repos au bout du voyage, à toutes nos luttes, il est une attente. Sur la cité, c'est là, c'est elle qui vient, c'est pour nous, et Oh, renouveler de mon cœur. Nos sacrifices ne sont pas vains. D'endurer la chaleur, d'affronter les épreuves, croiser des frustrations, subir les humiliations, être dénigré matin, midi, soir, être même sanctifié, banalisé, ignoré, mais Dieu te connaît. Il sait ce qu'il prépare pour toi. Il sait ce qu'il te réserve comme surprise. Éternellement agréable. Il sera heureux d'y entrer. Dans sa douce voix retentira. Entre dans les joies de ton être. Il est préparé pour toi. Et ça va la fondation du monde. Ton maître a préparé quelque chose. N'envie pas ce qu'il y a autre. Attends-toi de ce qui te concerne. Ce que Dieu a prévu pour toi. Il te le donnera sûrement. Notre Père de sainteté, Dieu parfait. Nous venons soumettre nos âmes à ta volonté. Que ce que tu veux soit accompli. Sur la terre comme au ciel. Nous comprenons que tu es le Dieu du ciel et de la terre. Le Seigneur du ciel et de la terre. Propriétaire et autorité suprême. Tu as confié la question de la terre. Mais tu en gardes le contrôle, la supervision et le jugement suprême pour départager entre les humains et pour rendre chacun selon ses œuvres. Tu as dit que tu nous multiplieras des faveurs à nous et à nos enfants. Nous voyons à ces faveurs et en dehors de cela. C'est toi à qui appartient le ciel. Tu as réservé une portion du ciel à notre précieux frère Branham. Que ceci soit un encouragement pour que chacun se mette le recommandement. On l'attendait une couronne de justice. Branham attendait une portion du ciel. Chacun de nous a quelque chose auprès de toi. Un héritage éternel réservé. Laisse-nous combattre jusqu'au bout. En défendant la parole. En ne soutenant que ta vérité. Car toi qui as promis de nous honorer. Accorde cette grâce à chacun. De ne pas succomber à la tentation. De ne pas sombrer dans la séduction. De ne pas manger du poisson. Même pas du levain. De ne quitter la religion hybride. Pour s'en tenir au levain de vérité. À la parole pure et originale. À tous égards. Ne nous laisse pas nous mélanger avec des espèces hybrides. Ne nous laisse pas nous affaiblir avec des espèces hybrides. Nous voulons garder la trace et l'identité chrétienne. La pure nouvelle naissance par la pure vérité. En toute sincérité. Et nous offrons mon frère et ma soeur. Honore notre foi chaque jour. Soutiens-nous dans la bataille jusqu'au bout. Honore merveilleux de Jésus-Christ. Apporte solution à tous les problèmes que ces enfants t'ont posés d'une manière ou d'une autre. Soit les consolateurs, soit les compagnons, soit les guides. Veuillez vous asseoir. Dieu soit loué. Amen.